Excusez-moi, c'est pour une enquête sur les loisirs des Français. Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Pendant mon temps libre, je peins dans un club de peinture. Ah, et je vais à des expositions. Peindre, aller à des expositions. Très bien, je vous remercie, madame. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Oh, moi, j'adore sortir. J'aime faire des promenades à la campagne. Mais j'aime aussi cuisiner. Je note sortir, se promener à la campagne et cuisiner. Parfait ! Merci !